à tes clics. Le poids des mots, Fredica, Axis, Test, Cian G. J'ai compris le poids des mots car les mots blessent, perdent leur noblesse, ouvrent l'aide de leur lettre et de leur sonorité. Dans les cours d'école et les mots blessent ainsi. Face à des paroles réfléchies, d'autres mal pesées, leur rêve d'un positif rafraîchi ou du nombre sombre apaisé. Quand dans les chambres d'où naissent les rimes qui font que bien plus loin des autres les connaissent. Les écoles d'un délai se répercutent sans plus de contrôle, transportés par les airs. Discours de gangsters, parle aux petits frères comme les grands frères. Les mots se multiplient, mais quand faire quand ils te disent que le bien est mal et qu'en fait, il faut agir pour le mauvais. Que je suis un bâtard sur les seuls mots vrais. J'ai petit mes mots, les effets doux, même sachez que l'on s'en moquerait. Alors il faut choisir entre l'ange et le malin, car les mots durs laissent des pleurs qui ne sèchent pas sous les sopalins. Pourtant leur poids est lesté, même prononcer pas nos mots restent remplis d'émotions. Ce sont les mots de FK, les mots d'Axe, les mots de Test ou encore les mots de Cyan. Le jour où j'ai blessé mes proches et que le silence m'a fait défaut, le jour où j'ai vu leur tristesse, j'ai compris le poids des mots. Quand on m'a trahi, que j'ai vu, que j'ai su, j'ai haï les sentiments, ont pris le dessus. J'ai compris le poids des mots. Quand mon cœur se rétrécit, comme quand on perd quelqu'un de précieux, j'écris et tu vois. J'ai compris le poids des mots. Le jour où mal pesé dans la balance, les lettres deviennent des armes et les regards des flammes, les mots cristallisent le drame. J'ai compris le poids des mots. Y'a des personnes que j'ai froissées avec des mots crus. Et de nouveau, le poids des mots devance la moquerie. Des piges dans le deal et au passage qu'ils buillent. Toujours dans le mille écrit quand ça de mots est la ville. Ma rue sans l'asile. Le shit et l'euthanasie, les putes et les ganazis. T'as vu, c'est jamais facile. L'ambiance est tendue comme un lifting. À tes clics, le listing. On lise des poids des mots si t'as pas entendu. J'crame l'instru et prends mon dû. J'ai pas m'enfuir, dos au mur ou vivre dans la pub. Véridique même quand j'ai pas bu. Et Axis ma pu. Nos pisses et sans caprice. À chaque mot, une cicatrice. C'est la technique, ma gueule, le crew qui prend du poids. Mass butch, on prend les points et les faux du point du doigt. Tu vois, on dit quoi, rien de feneux. À part des skills et feux que la tease, les potes, le shit et la preuve. Le jour où j'ai blessé mes proches et que le silence m'a fait défaut, le jour où j'ai vu leur tristesse, j'ai compris le poids des mots. Quand on m'a trahi, que j'ai vu, que j'ai su, j'ai haï les sentiments, ont pris le dessus. J'ai compris le poids des mots. Quand mon cœur se rétrécit, comme quand on perd quelqu'un de précieux, j'écris et tu vois. J'ai compris le poids des mots. Le jour où mal pesé dans la balance, les lettres deviennent des armes et les regards des flammes, les mots cristallisent le drame. J'ai compris le poids des mots. Ils ont peint ma ville en jaune pour me faire oublier la grise. Ils m'ont même trouvé une femme, lui ont donné le prénom de Gisèle. Rien à foutre. Mon amertume pèse, le ton de ma voix s'épuise. Ma ville plus la sconque et la jeunesse veut la prendre comme une star. Je m'en vante plus car j'en peux plus qu'on referme sur moi les stores. A tous les fanatiques du rap qui vivent dans les ghettos blindés, qui ne pensent qu'à jacter du TK comme d'une meuf aux fesses bombées. Fredica, maximum de rien à prouver, toujours au point. S'il a manqué un, c'est pas grave, compte en deux, j'ai pris du poids. J'ai pris mon pied, les années folles, le poids des mots m'ont fait grandir dans la vie. Sur papier quand tu m'appuies. Actica. On n'a pas eu les mêmes chances, ni les mêmes chemins. Pourtant ça fait longtemps qu'on marche ensemble main dans la main. Notre histoire c'est un champ de bataille dans lequel on perd des hommes. Le rap une petite boîte dans laquelle on enferme notre âme. Ils peuvent parler tant qu'ils veulent, je veux pas entendre ce qu'ils ont à dire. Si la parole était une arme, j'aurais sans doute pas d'avenir. T'as un rêve, trop de gens veulent te loter. Trop de bâtards veulent te cloquer. Quitte à passer du temps à tes côtés, j'ai trop écouté. Des histoires malsaines qui ont fait trop de mal. J'ai vu trop de têtes tourner quand y'avait trop de mailles. J'ai vu trop de victimes traumates quand l'ambiance déraille. Juste pour quelques mots ou bien une simple histoire de maille. J'en ai marre de les entendre parler, toujours de la même chose. Critiquer la vie des autres à croire que la leur est rose. Je rappe pas pour régler mes comptes ou pouvoir faire le beau. Mais depuis longtemps déjà, j'ai compris le poids des mots. Le jour où j'ai blessé mes proches et que le silence m'a fait défaut, le jour où j'ai vu leur tristesse, j'ai compris le poids des mots. Quand on m'a trahi, que j'ai vu, que j'ai su, j'ai haï les sentiments, ont pris le dessus. J'ai compris le poids des mots. Quand mon cœur se rétrécit, comme quand on perd quelqu'un de précieux, j'écris et tu vois. J'ai compris le poids des mots. Le jour où mal pesé dans la balance, les lettres deviennent des armes et les regards des flammes, les mots cristallisent le drame. J'ai compris le poids des mots. J'ai compris le poids des mots. J'ai compris le poids des mots. J'ai compris le poids des mots. J'ai compris le poids des mots.